veux jouer au sauveur. Tiens, tu repars déjà. On dirait que tu as peur. Te vois dans la glace courir loin, mais moi depuis le début je suis fière d'être chienne. C'est entendu de toutes les chiennes, c'est sûr, je suis la reine. Les chiennes, c'est sûr, je suis la reine.